J'ai mes affaires, ils vont l'op. J'ai tous les codes, yeah. Tromblons cachés dans le froc. J'suis dans ma grotte, bap tout très brosson comme Arlan de Grotte. Bientôt la dague sur la pommette, indépendant double smic dans la pocket. Dans la lumière, on s'adapte, je vais les découper au cac. Beaucoup d'amour dans le jab, on sait des choses, on est strap. Lame de rasoir dans le chapeau, ganache en bien, j'suis Picasso. J'vois que j'ai fait beaucoup de marmots, j'suis sorti du ventre comme El Chapo. J'suis de cheveux sur la soupe, coupe de cyanure dans la coupe. Je peux pas me lever sans la foule, hein? 3-6 normal quand on shoot. Bang. On parle de faire les choses bien, mais tu sais bien que dans le mal on s'applique. T'as vendu ton âme pour la brique, hey. Il t'appartient pas ton avis. Billy le jeune fauve, n'aie pas peur, saute, yeah. Sip un cup mauve, yeah. J'ai tout compris comme Russ Cole, hein? Brelant de Jack, 10K dans stack. Je vis comme si je fumais du crack. J'suis dans la trappe, mortier je frappe. J'vois plus d'ennemis sur la map. Pull up, j'ai le stick, yeah. Tranquille fais ce fric. L'homme descend du singe, j'suis le kangourou dans la street. Gang. Pull up, j'ai le stick, yeah. Tranquille fais ce fric, yeah. L'homme descend du singe, j'suis le kangourou dans la street. Nécromancien dans la crypte, yeah. Frangin t'es bleu comme un creep, yeah. Blood sur les mains, j'ai le bleach. J'regarde le ciel comme au blitz, ah. Verdi Biki, ça fait 6 litres, yeah. Que du tabac dans ma Philippe. Fusil deux fois pour l'équilibre, yeah. J'aime pas ta gueule, j'fais au feeling. Paris, Texas, yeah. J'suis en place, yeah. Guerrier Apache, yeah. Plume sur la hache, yeah. Pourquoi tu doutes, pour que tu saches, faut que tu fasses, yeah. Tatoué comme Shelby, j'ai gravé l'effet que le cerveau efface, yeah. Si j'étais qu'un riz, j'aurais percé frelon. Tous tes biais et frelons, j'suis en place. Pas tes graisses et frelons, roi comme tes effrelons. Johnny Walker dans les veines, j'suis un autre homme. Sabre aiguisé sur le toit, j'suis fantôme dog, hein? Achoté des chulos taku, yeah. On se connaît pas, je suis pas cool, mmh. J'arrive sinistre comme Bagoule, mmh. Dans leur cas vu j'fais du parcours, mmh. J'suis déjà presque ancien, yeah. Tout ce que j'aime j'm'almène, yeah. Faut que je laisse l'empreinte de mes pas, j'arrive comme James Harden, okay. Pull up j'ai le stick, yeah. Tranquille fais ce fric, ooh. L'homme descend du singe, j'suis le kangourou dans la street. Gang. Pull up j'ai le stick, yeah. Tranquille fais ce fric, yeah. L'homme descend du singe, j'suis le kangourou dans la street, ooh. Pull up, j'ai le stick, yeah. Tranquille fais ce fric. L'homme descend du singe, j'suis le kangourou dans la street. Pull up, j'ai le stick, yeah. Tranquille fais ce fric. L'homme descend du singe, j'suis le kangourou dans la street, yeah.